Bosco, Ndoui Man. Bonjour à vous tous, bienvenue à ce journal. Nous sommes le 19 décembre 2016. Voici tout de suite les grands titres de cette édition. Les présumés auteurs du coup d'État manqué du 13 mai l'année dernière ont comparu accompagnés de leurs avocats ce lundi devant la chambre de cassation de la Cour suprême en itinérance à Gitega. Notre correspondant suit pour nous ce procès. Il sera en ligne dès le début de ce journal. Trois pasteurs du diocèse anglican de Muyinga ont comparu devant l'officier de police judiciaire ce lundi. Des employés de cette église viennent de passer 7 mois sans être payés et cela crée un climat malsain. Notre correspondant nous le dira. Les populations qui habitaient depuis des années le village de Kargaragara en commune Gihanga de la province Bubanza dorment à la belle étoile depuis ce dimanche après leur expulsion de leur ménage situé sur la lisière de la réserve naturelle de Rukoko. Aucune explication ne leur a été donnée. Spes Caritas Cabagnana nous en donnera des détails. Et l'Union des personnes handicapées réclame des quotas pour leur catégorie dans les recrutements pour emploi. Ils estiment qu'ils sont victimes de discrimination. De son côté, le ministre en charge de l'emploi précise que l'on privilégie la compétence et qu'aucune loi ne prévoit de quotas pour cette catégorie de personnes. Et en actualité internationale, c'est ce lundi à minuit que le mandat du président Kabila doit constitutionnellement prendre fin. Officiellement, aucun parti n'a appelé à manifester ce lundi, mais les forces de sécurité se sont déployées dans toutes les villes du pays. Voilà pour le sommaire. Direction Gitega pour ouvrir ce journal. Les présumés auteurs du coup d'État manqué du 13 mai l'année dernière ont comparu accompagnés de leurs avocats ce lundi devant la chambre de cassation de la Cour suprême en itinérance à Gitega. Les avocats de la défense s'emploient à démontrer que ce procès a été entaché de beaucoup d'irrégularités depuis l'arrestation des prévenus. De Gitega, nous sommes en ligne avec Arthur Kavabouchi. Du matin de son lundi, les présumés auteurs du putsch manqué du 13 mai 2015, qui sont au nombre de 17, ils sont en train d'être auditionnés par la Cour suprême. Cette Cour suprême est dans sa chambre de cassation en itinérance à Gitega, dans les enceintes de la Cour d'appel à Gitega, est en train d'écouter les moyens d'appel développés par les avocats de la défense. Jusqu'à 11h30, cette cour a déjà auditionné le général Prime Ngoïnou Moussa, assisté par maître Fabien Segatoua. Cet avocat a démontré comment ce procès a été entaché de beaucoup d'irrégularités depuis l'arrestation de son client jusqu'au procès proprement dit. Il a souligné que depuis le premier juge jusqu'au second juge, ils n'ont pas été satisfaits du verdict rendu, étant donné que le procès a été instruit en violation de la loi et que l'officier du ministère public a manqué de preuves. Il demande à cette cour de bien travailler pour que justice soit rendue. Général Nimeya Elmenegis de Ndouaye Renova, assisté par maître Antoine Narondeleye. Général Nimeya Elmenegis de Ndouaye Renova, qui sont assistés par maître Antoine Narondeleye, est aussi revenu sur la violation de la procédure qui a caractérisé ce procès. Il est prévu que tous les prévenus soient écoutés ainsi que les parties civiles déjà constituées. Le général-major Cyril Ndaï Rukié, qui vient au sommet dans cette affaire, est le seul qui n'a pas d'avocat du fait que le premier juge lui a privé de ce droit et que jusque-là, il n'a pas encore été appelé à la barre. Arthur Kavabouchi Gitega, Radio Isanganiro. Merci Arthur. Les populations qui habitaient le village de Kagaragara en commune Gihanga de la province Bubanza dorment à la belle étoile depuis ce dimanche. Ces personnes qui avaient élu domicile tout près de la réserve naturelle de Rukoko depuis des années ont été expulsées de leur ménage par des militaires qui les ont accompagnés jusqu'au bureau de la zone Buringa sans aucune explication. Spes Caritas Kawanyana pour les détails. Ces personnes qui se comptent en plus de 500 ménages composés de femmes, d'hommes et d'enfants ont passé cette nuit de dimanche à lundi à la Belle Étoile devant le bureau de zone Buringa en commune Gihanga, tout près du cimetière de Manda. Certains ont pu tendre des moustiquaires sur les branches d'arbres, mais beaucoup d'autres racontent qu'ils n'ont pas pu dormir suite aux piqûres des moustiques qui périrent dans les broussailles où ils ont passé la nuit avec des nattes, des casseroles, des seaux et des couvertures entassées sous les ombrages d'arbres. Ils sont presque désespérés et demandent aux autorités de les remettre dans leur village de Kagaragara où ils ont vécu depuis plusieurs années, comme ils le disent. Les élèves et écoliers n'ont pas pu se rendre à l'école ce lundi. Ils étaient avec leurs parents gens, comme nous les avons vus, et apparemment affamés et fatigués. Ils nous ont expliqué qu'ils ne peuvent pas aller à l'école dans ces conditions, qu'ils n'ont même pas de cahier ni d'uniforme, qu'ils ont abandonné chez eux à Kagaragara puisqu'ils ont été chassés de façon précipitée. De son côté, l'administrateur de la commune Gihanga n'a pas voulu donner beaucoup d'éclaircissements, mais il a indiqué que ces personnes auraient été chassées de leur ménage pour protéger la réserve naturelle de la Rukoko. Léopold Ndayisaba a également précisé que c'est une question qui est à la table au niveau provincial. Merci Ispès. On reste dans cette région pour dire que deux chauffeurs de la commune Gihanga, nous sommes en province de Bobanza, ont été arrêtés vendredi dernier par la police à Gihanga même. Il s'agit d'Obaringa Yabo Désiré, représentant l'association des transporteurs de Gihanga, et Nduimana, responsable du parking. Ils ont passé la nuit de vendredi au cachot de police judiciaire de Gihanga et le lendemain, ils ont été transférés vers Bujumbura et disent ne rien savoir sur le motif de cette détention. Elles sont également détenues. 5 personnes, dont 3 pasteurs du diocèse anglican de Muyinga, pas détenues, mais elles ont comparu devant l'officier de police judiciaire ce lundi. Les fidèles affirment qu'un climat malsain règne au sein du cercle des décideurs de cette église qui vient de passer 7 mois sans rémunérer ses employés. Dieudonné Nzeyimana pour les détails. Les 5 fidèles de l'église anglicane ont comparu devant l'officier de police judiciaire ce lundi pour des raisons d'enquête telles que présentées sur la convocation. Des fidèles qui les ont accompagnés parlent d'une stratégie d'intimidation de la part des dirigeants du diocèse. Les employés du diocèse dans différents projets viennent de passer 7 mois sans percevoir de salaire et des détournements seraient opérés par certains haut placés dans l'hiérarchie. Ces personnes convoquées sont soupçonnées de vouloir éclairer d'autres fidèles. Les évêques anglicans du Burundi devraient plutôt se saisir de cette question si gèrent les fidèles. Le chimier méthode, secrétaire du diocèse anglican de Muyinga, reconnaît que certains employés viennent de passer 7 mois sans salaire. Pas de solution quand les caisses sont vides, déclare-t-il. Un climat malsain règne au sein de certains pasteurs ces derniers jours. Un domestique de l'évêque s'est chamaillé avec l'évêque et s'est tourné vers les vitres du véhicule du diocèse. Les vitres ont été brisées. Sous interrogatoire, cet homme toujours au cachot aurait révélé avoir été mandaté par certains pasteurs pour s'attaquer à l'évêque avec l'ambition d'éclabousser l'image de l'évêque. Les enquêtes permettront de connaître la vérité d'après le secrétaire du diocèse anglican de Muyinga. De Muyinga, Dieu de l'Inzaïmana pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Dans la suite de ce journal, je vous l'avais dit, l'Union de personnes handicapées du Burundi, UPHB en sigle, se plaint que les personnes vivant avec handicap sont discriminées en matière de l'emploi. Le chargé du projet de développement des jeunes handicapés indique que la cause est le faible taux de scolarisation des enfants handicapés et les stéréotypes qui entourent la naissance d'un handicapé dans une famille. Vianney Kirajagaraye demande au gouvernement de prévoir un quota des handicapés chaque fois qu'il y a recrutement. On écoute. Concernant les obstacles, les contraintes pour le développement des personnes handicapées, il y a d'abord les stéréotypes, les préjugés sur la personne handicapée. Il y a également le faible accès à l'éducation qui est la source du développement. Il y a également l'accès très restreint aux services de base. Accès au crédit, ça a été dû au fait que les personnes handicapées, souvent, on les considère comme des pauvres, des vulnérables. Alors que, en principe, si les moyens sont là, si les besoins sont satisfaisants, les personnes handicapées sont des personnes qui peuvent contribuer pour le développement de leur pays et qui peuvent donner un appui à leur famille et qui peuvent développer leur propre famille. Face à ces défis, quels sont les changements que vous souhaitez voir? Pour le côté des institutions publiques, il faut qu'à tout secteur, à tout programme, à tout projet, les besoins des personnes handicapées soient intégrés afin que ces dernières puissent bénéficier des services comme les autres couches de la population. Parce que la personne handicapée constitue une couche de la population. C'est comme les enfants, c'est comme les femmes, c'est comme les Batois, c'est comme les Hutus, c'est comme les Tutsis. Donc c'est une couche de la population burundaise qui devrait avoir des facilités, des initiatives qui vont aller l'endroit, en fait qu'ils puissent se développer et développer les familles. C'est à partir de ces initiatives, de ces faits qui sont là, qu'il faut penser, qu'il faut intégrer dans les politiques, dans les programmes, dans les projets, des besoins des personnes handicapées, en fait que ces personnes travaillent, développent les familles et développent le pays. Voilà, c'était Vianney Kirajagaraye. Il est de l'association de l'Union des personnes handicapées du Burundi. Il est chargé du projet développement des jeunes handicapés. Et du côté du ministère de la fonction publique, on nie qu'il n'y a pas de discrimination faite aux personnes handicapées en matière d'emploi. Le ministre en charge de l'emploi, Félix Mudzeniniga, indique qu'on privilégie la compétence. Quant au quota revendiqué par l'Union des personnes handicapées du Burundi, le ministre dit qu'il n'y a pas de loi irrelative. On écoute. Il n'y a pas de discrimination envers les personnes vivant avec le handicap dans l'octroi de l'emploi ou du travail. Ce qu'il même le démontre, c'est la politique nationale de l'emploi adoptée en 2014 par le gouvernement et qui est orientée sur 5 axes stratégiques. Et un des axes stratégiques dit qu'il faut promouvoir l'emploi pour les personnes vivant avec un handicap. Et dans l'élaboration de cette politique nationale de l'emploi, cette catégorie de personnes a été mise en contribution pour l'élaboration de cette politique. Donc, il n'y a pas de discrimination. Une autre chose, c'est que quand on veut de l'emploi, c'est-à-dire qu'il faut d'abord une formation. Au niveau de la formation, ce qui est connu, c'est qu'on prévoit une formation spécialisée pour les gens vivant avec les handicaps. Les textes qui sont en train d'être élaborés tiennent compte de cet aspect. Est-ce que le gouvernement n'envisagerait pas un système de quotas comme c'est demandé par l'Union des personnes handicapées du Burundi? En matière de recrutement, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas de statistiques qui montrent que dans tel domaine de formation, dans tel domaine de compétences, on a autant de personnes vivant avec handicap. Donc, dans le recrutement, c'est difficile de mettre en avant les quotas tant qu'on n'a pas les statistiques. La société est conçue comme telle qu'un travail à compétences égales, il y a l'égalité de chances de recrutement. Félix Mudzeniniga, ministre en charge de l'emploi. Il s'observe une pénurie d'essence en Ngozi depuis 4 jours. Cet or noir est pourtant disponible sur le marché noir, mais à 4000 francs burundais le litre. Et la première conséquence immédiate est la hausse du prix du ticket de transport. Apollinaire Muzagara. Aucune station d'essence sur les 7 que compte la province Ngozi n'a son carburant. Et cela depuis vendredi. Ce jour-là, station Kobil 6 en bas 17 Don Bosco a été approvisionnée, mais l'essence n'a duré que le temps de la hausse. Pourtant, au marché noir, ce produit est disponible à un prix exorbitant, soit 4000 francs pour le litre. La situation en ville d'Ngozi a été donc perturbée, surtout pour les usagers de taxis moto qui ont vu leurs effectifs fortement diminuer. Conséquence, le prix de transport a augmenté de 500 à 1000 francs pour, soit pour les véhicules remotes, les camions, citernes vides et sont garés devant ces stations, comme nous l'avons constaté à la station Engen communément dite Chenisezeran. Contactés à propos, les pompistes disent qu'ils ignorent la cause de cette pénurie. Même son de cloche, c'est le conseil économique du gouverneur qui indique seulement que certains pétroliers ont affirmé avoir déjà fait des commandes et donc que ce lubrifiant est en cours de route. Donc aussi, Apone Muzagara, Radio Sanganide. Merci Apollinaire. Actualité sportive avant l'actualité internationale. La formation Atlético Olympique en première position dans le championnat national de football en première division s'est inclinée ce dimanche devant l'Idia Ludique Burundi 4 buts à 0. C'était lors de la deuxième journée du tournoi de la Coupe de l'Unité qui a été lancé vendredi de la semaine dernière. Evariste Nzikobanyanga. Le tournoi baptisé Unité Nationale a débuté vendredi de la semaine dernière. Ce tournoi a été ouvert par le match qui a opposé les formations de Vitalo et Interstar, les rivales de longue date. Après la défaite d'Interstar lors de la dernière journée du championnat, 5 buts à 1 contre Vitalo, les Noirs Blancs n'ont pas permis ce vendredi aux Mauves Blancs à marquer. Le match s'est soldé sur le score de 0 but partout. Ce samedi, au stade Agasaka d'Ngozi, Ngozi City et Olympic Star d'Omuyinga ont égalisé 0 à 0. Au stade de Gitega, on croisait le fer Aigle Noir de Makamba et Rusizi de Chibitoke. Le match s'est terminé sur la victoire de Aigle Noir de 2 buts à 1. À Ruyigi, le flambeau de l'Est a été visité par Magara Star de Rumonge. Flambeau a battu Magara Star 1 but à 0. Ce samedi même, au stade des Princes Rue Guagasore, Muzinga s'est incliné devant Messager Bujumbura 2 à 0. Dimanche, sur la même pelouse du stade des Princes Rue Guagasore, à 14h, heures, les Lières et Bouja City ont fait le score vierge de 0 but partout. À 16 heures, le premier et le deuxième du championnat national, à savoir Atlético Olympique et l'Idéalidic Burundi Sport for Africa, ont croisé le fer. L'Idéalidic a battu Atlético Olympique sur le score fleuve de 4 à 0. Déçu, l'entraîneur d'Atlético, Omar Nakagero, a avoué que son équipe a mal joué ce dimanche. Je suis déçu, comme tout entraîneur qui vient d'être battu. 4 buts à 0, c'est beaucoup, donc je suis déçu. C'est une équipe qui vous seconde dans le classement du championnat 2016. Qu'est-ce qui a manqué? Aujourd'hui, les joueurs étaient, je ne dirais pas fainéants, mais on dirait qu'ils n'étaient pas là. Donc l'Idéalidic avait beaucoup de détermination plus que nous. Donc c'est cette détermination qui nous a manqué aujourd'hui. Qu'est-ce que vous comptez faire pour le deuxième match? Nous, on va continuer à travailler. C'est la seule solution. On va continuer à travailler et essayer de corriger ce qui n'a pas marché aujourd'hui. Et notre match de ce tournoi s'est déroulé ce dimanche à Gitega. Il a opposé Musongati contre Message Ngozi. Le score a été d'un but à zéro en faveur de Musongati. Et au volleyball, le tournoi play-off a été clôturé ce dimanche. Le match qui n'a pas pris fin suite aux aléas climatiques qu'il y a deux semaines entre Muzinga et Rukinzo a été rejoué. C'est Muzinga qui l'a remporté sur 3-7 à 2 de Rukinzo. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En actualité internationale, c'est aujourd'hui que 538 grands électeurs s'expriment sur l'élection de Donald Trump aux États-Unis. En République démocratique du Congo, c'est ce 19 décembre que le deuxième mandat du président Joseph Kabila prend fin. Les réseaux sociaux sont coupés, l'incertitude règne dans le pays. Et en Gambie, l'opposition déclare renégat le président Yahya Jammeh qui ne reconnaît pas les résultats du scrutin présidentiel. Mireille Kanyang. Débutons l'actualité internationale par la Gambie, où l'opposition durcit le ton contre Yahya Jammeh. Ils ont annoncé ce dimanche qu'ils déclareront renégat le président sortant s'il refusait de céder le pouvoir à la fin de son mandat à Adama Barrow, déclaré vainqueur de la présidentielle. Le 9 décembre, Yahya Jammeh a rejeté les résultats de l'élection, accordant la victoire à l'opposant Adama Barrow une semaine après avoir reconnu sa défaite. Selon le site web de la radio BBC Afrique, citant le porte-parole de la coalition d'opposition, tout président qui perd sa légitimité constitutionnelle devient un renégat, a prévenu Alifa Salah. Déjà samedi, les présidents de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont fait savoir qu'ils se rendraient à l'investiture d'Adama Barrow et prendraient, je cite, « toutes les mesures pour faire respecter les résultats de l'élection ». Fin de citation. Adama Barrow doit prêter serment le 19 janvier 2017, comme le prévoit la constitution gambienne. En République démocratique du Congo, c'est ce 19 décembre que prend fin le second mandat du président Joseph Kabila et cela ouvre à une page d'incertitude si l'on en croit au journal Jeune Afrique. Des craintes de violence, les réseaux sociaux coupés, renforcement de la présence militaire dans les grandes villes du pays et à Kinshasa, la capitale, Jeune Afrique écrit que tout le pays retient son souffle tout en se demandant ce qui va se passer en RDC après le 19 décembre. Dans la capitale congolaise et plusieurs autres grandes villes du pays, écrit toujours Jeune Afrique, la psychose est à son zénith. Toujours en RDC, un casque bleu a été tué et deux autres blessés ce lundi matin dans l'attaque Mai Mai sur la ville de Butembo. Selon la RFI, on parle également de quatre Mai Mai tués et d'un policier grièvement blessé. Des tirs ont été entendus vers 6h15 heure locale selon les habitants. Aux États-Unis, les grands électeurs vont-ils se révolter? S'interroge la RFI. La véritable élection présidentielle américaine a lieu ce lundi. Les Américains n'ont pas élu le président le 8 novembre dernier, mais c'est aux 538 grands électeurs à qui revient maintenant la charge de désigner le 45e président des États-Unis d'Amérique. Donald Trump en compte 306, plus que les 270 requis pour l'emporter. Mireille Kanyang. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. J'en rappelle les grandes articulations avant de nous séparer. Les présumés auteurs du coup d'État manqué du 13 mai l'année dernière ont comparu, accompagnés de leurs avocats ce lundi devant la chambre de cassation de la Cour suprême en itinérance à Gitega. Ces avocats se sont employés à démontrer les irrégularités ayant émaillé le procès. Et trois pasteurs du diocèse anglican de Muyinga et deux fidèles ont comparu devant l'officier de police judiciaire ce lundi. Des employés de cette église viennent de passer 7 mois sans être payés. Cela crée un climat malsain.